sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Dans chaque fille que j'ai connue, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais. Que tu es sorti du Pablo pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi sachant. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi sachait. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux.